maison, je repassais, repassais sans cesse sous ton balcon désabusé, dans l'espoir fou de te parler. Comme à la maison, je cuisinais tes voisins de palier. Je voulais savoir où tu étais et à quelle heure tu rentres. J'aspirais à te voir à mes côtés dans cette cage d'escalier. J'étais telle la bête abandonnée. Comme à la maison, je balayais du regard le couloir. C'est alors que je t'ai aperçu. Tu passais comme si tu m'avais. Passer dans l'escalier pour t'avouer enfin que je t'aimais. Devant ta porte en fer forgé, je laissais mon mouchoir retomber. Mais faites comme chez vous. Vous faites ça chez vous. Vous feriez mieux de ramasser vos barrières et débarrasser le plancher. Comme à la maison, j'ai fait bouillir ce garçon de colère. Pas vraiment apprécié la vue de mouchoir sur son palier.